Ben des repons cani, deux frangins, pas de frigo, pas de PGP, un obigo. Une cavale c'est pour la vue, et je t'avoue comment j'ai vu. Ben des se bat tout seul, souvent sous sort était scellé. Zarolette dans sa cellule, ça aille mec de son PQ. Panka pour toi, et la péquette, il met le paquet comme un paquet. Mais Loulou, non, elle a pas touché, putain sa vie est trop touchante. Ça se trouve ton bistrot est attaché, mais putain qu'est-ce qu'il attachant. Il attache que des gens t'échis, laisse la beuf pour ses yankees. Ta mère vrai que je la mette en cloque, c'est réel, tu te prends des claques. Fais pas le fou devant ta clique, Ben des j'arrête tout le bloc. Panka ni rêvait d'un brick, dans leur tête c'est pire que le Bronx. Serait à tout pour prendre des briques. Nerveux comme Gattuso, la vie m'avait pas gâté. Maintenant tout prix, je veux tout le gâteau. Pancani va tous les semaines depuis le début, ils vendent du seul. Moi qui avais même plus de carte SIM, j'ai toujours pas ma carte vitale et le portefeuille s'invite. On vend de balles et je les fais craquer. Moi qui nageais dans le même croco, j'arrive dans la pêche, crie attends. Ben des va t'écraser, son seul frérot c'est Pancani. M'appelle pas mon frérot, Mohamed Gun n'a pas d'amis. Et en amont, y'a avec Luna, la seule idiot pour supporter. Un pas de hasard, elle est bizarre. Tout seul, je fume mon bison, la famille grosse c'est la base. Train de sa bosse, le rap on bise. Ben des allume la presse. Y'a Pancani pour les briser, c'est de bandits, ne vise pas le bon. Une baisse d'un ton sain classique comme rappel dans la cité. Dur inter à bouscapé, c'est pour Amadou qui est venu me chercher. Ce souvenir il est gravé comme art sur le mur de la cardave. J'oublie pas le seul associé, 420 mon ascension. Ben des repos, Pancani rien que sa péquette. Ça veut le pactole, ça veut débriquer, va sa braque. Dernier chapitre c'est trop la blingue. Pancani rêve que d'un brinks, la banane grosse c'était le bronx. Ben des repos, allume la braise, Luna elle brise à un cœur. Ben des repos, Pancani rien que sa péquette. Ça veut le pactole, ça veut débriquer, va sa braque. Dernier chapitre c'est trop la blingue. Pancani rêve que d'un brinks, la banane grosse c'était le bronx. Ben des repos, allume la braise, Luna elle brise à un cœur. De fou pas des foutaises, dans le sale drap j'étais foutu. Moi de bas jouer au foot, sur le terrain j'étais futé. Dans le rap beaucoup de futistes, la squad tire gros c'est futile. Dans la tête gros c'est fatal, Pancani dealer t'es fou. Que jamais tu baisses ton fut et que t'es franc qui t'as sfité. Dans le four c'était toi le phare, comme un fou tu bougeais pas. 13 bougies j'fais des billets, les bleus m'ont balayé. Le greffe connaît ma biographie, Ben des roues un paragraphe. 3 chapitres pour un débrief, mon seul t'a mis des baffes. C'est du sale pour faire du bif, j'suis tout seul c'est pour être bref. J'ai qu'un frangin c'est pour être sûr et que sur lui que j'peux compter. Ouais t'as capté tout est crypté parce que la squad c'est une crapule. J'suis venu, j'ai vu, j'ai tout baisé, j'suis désolé mais j'abuse pas. Pancani te frappe à la bise, tout commence à sur du risque. La drogue, la vie risquée, le passage du pisse dessus. Moi qui dormais sur mon pèse gramme, maintenant mort à rêve de sa poil. Mais avant ça j'ai fumé le rap, j'compte bien laisser ma plaie. J'ai ta manche charbonne sur la pluie, maintenant ça fume, j'suis sur Pluton. Maman t'inquiète, y'a du plata, Ben des va cacher plomb. Elle nous grille, y'a pas pire, mais ta cité me fait pas peur. Ces deux frères font trop la paire, jusqu'à la mort c'est pour l'amour. Pour sa vie là, au bord de la mer, la squad rappelle-toi les galères. Les coffres appliquent et ça galope. Dans la rue j'ai mes galons, puis tout petit j'ai mon 38. Mon seul frangin c'est Ben des Ben des repos, Pancani rien que sa péquette. Ça veut le pactole, ça veut des briques et va sa vraie. Dernier chapitre c'est trop la blingue. Pancani rêve que d'un brinks, la banane grosse c'était le bronx. Ben des fois allume la braise, Luna elle brise à un cœur. Ben des repos, Pancani rien que sa péquette. Ça veut le pactole, ça veut des briques et va sa vraie. Dernier chapitre c'est trop la blingue. Pancani rêve que d'un brinks, la banane grosse c'était le bronx. Ben des fois allume la braise, Luna elle brise à un cœur. La banane grosse c'était le bronx, Luna elle brise à un cœur. La pépé. Franchement pas de fricot, pas de BGP, un lobigo. Ah ouais, Ben des gros. Une cavale c'est pour la vie. Pour sa vie là au bord de la mer.